On se le cachera pas dehors, c'est la jungle, un beau gros troupeau de 6 milliards de personnes. Mais toi, t'es différent, t'as une personnalité bien à toi et tu veux des vêtements qui te ressemblent, qui se démarquent comme toi. Alors démarque-toi en Kandan et visite kandan.com et tu y trouveras une gamme de vêtements. Sportwear, fightwear, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, des vêtements qui seront à la hauteur de ta personnalité, bien à toi. Alors visite kandan.com, K-H-E-N-D-A-N.com. Yes! Salut tout le monde, bienvenue dans la Voix des Guerriers, on est heureux de vous accueillir. Vous savez que vous pouvez toujours écouter nos entrevues, nos émissions et ainsi de suite sur lavoisdesguerriers.com et on vous invite à suivre MMANouvelle.com également pour tout savoir sur le MMA bien évidemment et même parfois des petits à côté. On se paye du luxe, du K1 ou d'autres événements qui ont un lien avec les arts martiaux, mais pour les prochaines minutes, ce sera du Strike Force qu'on va discuter. Le prochain événement a lieu le 9 octobre. C'est donc dire que c'est dans quelques heures. L'événement se déroule à San Jose et on va en discuter avec Fred l'homme Nouvelle Garcia. Bonjour Fred. Salut mon ami Ken, comment ça va? Ça va pas super. La carte, je dirais limite là, mais on va avoir quelques minutes pour parler de cet événement-là, mais on attend avec impatience les prochains événements qui seront beaucoup plus intéressants, beaucoup plus en profondeur, parce que là, moi, il y a peut-être 2-3 combats qui m'intéressent sur cette carte-là. Ben, c'est ce dont on va discuter. Je pense qu'on va passer on va pas discuter des combats sous carte parce qu'honnêtement, ça intéresse pas grand monde, là. Alors, commençons déjà avec le combat de Tyron Woodley qui affronte André Galvao, qui s'entraîne notamment un peu avec Wanderlei Silva. Galvao a 5 victoires et une défaite avec 3 de ses victoire par soumission. C'est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. C'est un combat qui va se dérouler à 170 livres et son adversaire, Tyron Woodley de l'American Top Team, est jusqu'à ce jour invaincu avec 6 victoires, dont presque tous acquises par soumission, c'est-à-dire 5 de ses 6 victoires par soumission. Mais là, quand même, Galvao, c'est une ceinture noire. Et oui, il a une défaite, Galvao, mais c'était par décision partagée. Ouais, je vais y aller avec Galvao rapidement, puis que j'ai pas beaucoup d'intérêt pour le combat, mais on va y aller avec Galvao, parce que j'aime bien Wanderlei, vu qu'il s'entraîne avec. Oui, par contre, c'est le genre de combat, tu sais, on connaît pas vraiment beaucoup les deux gars. Galvao, j'ai entendu des bonnes choses à son sujet, Woodley aussi, on a peut-être vu un ou deux combats, mais rien. Tu sais, c'est le genre de combat que peut-être qu'on va découvrir vraiment des gars solides, puis qu'on va avoir du plaisir à voir, mais pour l'instant, on se le cachera pas. On n'a personne d'excité là, à moins vraiment d'avoir des problèmes là. Alors on continue avec moi, c'est un combat qui m'intéresse puisque ça implique une jeune madame canadienne en plus, invaincue, la championne du Strikeforce pour les 135 livres. Vous aurez compris qu'il s'agit de Sarah Kaufman, qui a 25 ans, qui s'entraîne au Zujek Ultimate Martial Arts, ici même au Canada. Comme je vous l'ai dit, invaincue en 12 combats, avec 9 de ses 12 victoires par KO. C'est une fille qui aime bien s'exprimer en position debout, elle laisse aller ses mains, ses jambes, et au sol, c'est pas sa force, mais elle continue toujours à progresser, elle s'entraîne durement, et également, on a vu à son dernier combat qu'elle a une bonne force physique lorsqu'elle a rabattu Roxanne Badaferi au sol, un bon slam, et c'en était fini, elle a mis KO de cette manière-là au troisième engagement. Et là, son adversaire s'appelle Marlowe Conan, 17 victoires et 4 défaites avec 12 de ses 17 victoires par soumission. Alors, c'est une femme qui est très bonne au sol, une fille qui vient du Pays-Bas. Elle vient de perdre, par contre, contre Christian Santos. Puis, bon, elle a également déjà affronté Roxanne Madaferry, qui était la dernière adversaire de Sarah Kaufman. En fait, elle l'a affrontée à deux reprises au cours de sa carrière. La dernière fois, ça s'était bien passé. Elle l'avait remportée par clé de bras, mais en 2007, elle avait perdu une décision partagée, toujours contre Roxanne Madaferry. Alors, un duel pour la ceinture des 135 livres entre la Canadienne Sarah Kaufman et Marlowe's Conan. Ouais, ben moi j'ai appris à aimer le MMA féminin là, puis il y a deux femmes que je connais un peu. Alors le combat m'intéresse un peu, je dirais. Je vais y aller, je vais m'attirer des cannes de sirop d'érable sur la tête là. Je vais y aller avec Marlowe's Conan par soumission. T'as mentionné que Sarah Kaufman le jeu au sol, c'est peut-être pas sa force, puis Marlowe's ça a l'air d'être sa force, alors je pense que Marlowe's Conan va sortir une soumission et on va voir une nouvelle championne à 135 livres. Alors je le souhaite pas, moi je vais aller avec Sarah Kaufman. C'est une fille, je me souviens de son combat contre la Québécoise Valérie Letourneau, qui est également très bonne au sol. Kaufman avait été faire des petits tours au sol, pas nécessairement c'était pas nécessairement son objectif, mais Letourneau, c'est une fille solide. Ça en était quand même bien sorti. Debout, elle est très bonne. Elle ferait pas nécessairement avec beaucoup, beaucoup de puissance, mais c'est une fille qui va au charbon. C'est elle va à la guerre, elle recule pas. Mais ça va être un bon combat, ça, et on souhaite, je pense, que Kaufman s'en tire avec la victoire. Marlowe's Conan, au moins on le sait, est une fille dangereuse au sol. Quand tu vas chercher 12 victoires par soumission, c'est jamais par chance. Alors, ça sera pas facile, mais j'y vais avec la Canadienne Sarah Kaufman. Et on y va avec les deux derniers combats. Et oui, ça passe rapidement. Josh Thompson, 32 ans, de l'American Kickboxing Academy. Il donne également des cours à l'école Conley. Il a 17 victoires, 3 défaites, aucun combat nul, mais un combat sans décision. En juin, il a battu Patty Lee, un spécialiste en lutte par étranglement arrière, et il était temps. Ça s'est fait au troisième engagement dans un combat qui avait été, je pense, plus difficile que ce qu'on aurait pu anticiper pour Thompson. Avant ça, il avait perdu une décision dans un combat quand même serré contre Gilbert Melendez. Il n'a jamais perdu par soumission. Son adversaire s'appelle Josias Calvacante. Il a 27 ans de l'American Top Team, 15 victoires, 3 défaites, un combat nul et un combat sans décision. Au Dream 15, il a gagné une décision partagée contre Katsunori Kikuno, mais avant ça, il avait perdu contre Tatsuya Kawajiri et Shinya Aoki, et à chaque fois, c'était par décision. Ouais, ben, tu vois, le combat, il est un peu dur pour moi à prédire un gagnant, parce que justement, dans la dernière année, les poids légers du Dream ont pris une petite descente là avec Aoki qui a mal paru, tout ça, alors je suis pas sûr de Cavalcante. Quel niveau qui va arriver là, je sais pas. Moi j'aime bien Josh Thompson, alors je penche un peu vers une victoire de Josh Thompson, mais tu l'as mentionné, à son dernier combat, ça a peut-être pas été non plus la performance la plus convaincante de sa part. Alors c'est un combat qui m'intéresse parce que c'est deux noms que je connais, mais honnêtement, je sais pas vraiment où c'est que ça va aller là. Je vais y aller avec Josh Thompson par décision, je pense ça sonne bien. Ça sonne bien, ouais, je suis d'accord avec toi. Et finalement, Nick Diaz, c'est le nom, je pense, le plus intéressant sur la carte. Mais je pense qu'on aurait tous aimé le voir face à un gars un peu plus solide et complet. Alors, Nick Diaz, il a 27 ans seulement, mais ça fait tellement longtemps qu'il roule sa bosse avec plus de succès que de moins, mais quand même, il y a eu des hauts et des bas. C'est un gars de 6 pieds 1, mais à 170 livres plutôt. C'est un gars qui a une portée quand même qui l'avantage la plupart du temps. Il est sur une séquence de 7 victoires consécutives, mais il faut faire attention. Il vient d'affronter Hayato Sakurai au Japon. Avant ça, il avait défait Marius Zaromskis. Un Zaromskis, encore une fois, peut-être pas un combattant encore mature en MMA. Oui, il a des habilités debout, mais encore là, je pense que c'est un gars qui n'était pas encore suffisamment mature pour affronter un gars aussi établi que Nick Diaz. Il a également défait Scott Smith. Il a défait le portrait. La même chose avec Frank Shamrock, Thomas Denis avant ça, Mushan Cobré et Katsuya Inoue. Alors rien nécessairement du calibre de ce qu'il avait affronté au UFC. On se souvient, ils ont à peu près tous affronté au UFC Nick Diaz. Il a perdu à quelques reprises malheureusement, mais toujours des combats très serrés. Il avait quitté le UFC sur une séquence de 3 défaites contre Diego Sanchez, Joe Riggs et Sean Sherk. Via mon souvenir, dans les trois cas, là, c'était par décision. La plupart du temps, c'est des combats toujours très chaudement disputés qu'il a livré. Rarement, on a vu Nick Diaz en manger toute une. C'est un gars qui aime échanger debout maintenant de plus en plus, se sert de sa portée. Un gars évidemment excellent au sol, mais c'est pas le gars qui a la meilleure lutte. Alors, c'est pour ça que je pense que c'était vraiment important pour lui de développer, d'avoir confiance avec ce qu'il peut offrir debout. Et moi, c'est l'une des boxes en MMA que je préfère à l'heure actuelle, Nick Diaz, pour ce qui est de la vitesse de ses mains, la précision de ses mains, et également peut-être une faille en boxe, et peut-être qu'il bouge pas suffisamment sa tête. Et là, ça pourrait lui causer du danger, puisque son adversaire s'appelle KG Nunes. Il l'a déjà affronté. Puis bon, Diaz l'avait perdu suite à une coupure, mais Nunes, en plus d'être un combattant de MMA avec relativement un peu d'expérience. Il a également un bagage en boxe anglaise où il est allé chercher une fiche de 12 victoires et 2 défaites. Un gars qui a quand même une bonne force de frappe, qui est capable d'encaisser des coups. En MMA, il a perdu par KO contre Charles Bennett et également par un heel hook. Ça, c'était en 2002 contre Buddy Clinton. Et il a remporté ses 6 derniers combats, dont le plus récent là, contre George Gargel, où je pense que c'était au deuxième engagement, il avait fermé les livres, là, où la force de frappe de KJ Nunes avait renversé George Gargel. Alors c'est un combat assez intéressant, mais j'aurais préféré évidemment voir Nick Diaz face à un gars un peu plus solide. Un Jason Mayhem Miller, ça aurait été le fun. Mais KJ Nunes, moi je vais te dire, je suis quand même intéressé parce que je suis allé regarder récemment le premier combat que Nick Diaz ont eu. Puis j'ai trouvé que KJ Nunes a très bien fait dans ce combat-là quand même. Même si ça s'est terminé avec une coupure, si on veut, tu sais, ça n'a pas été un finish. Si on veut, qui mettait un point d'exclamation sur la performance. Mais KJ Nunes combattait très bien jusqu'à là. Alors, j'ai hâte de voir. Je pense que Nick Diaz, sauf, a évolué depuis. Tu mentionnais, t'aimais sa boxe, tout ça. Moi, je pense que Nick Diaz, à date, on lui a donné quand même pas mal d'adversaires, sauf un peu sur mesure, parce que justement, contre un Georges Saint-Pierre ou de quoi de même, il pourrait pas rester devant le gars. Il me semble il se ferait amener au sol, puis pas juste Georges Saint-Pierre, n'importe quel bon lutteur de l'UFC. Or, moi, je m'attends à une victoire de Nick Diaz, mais en tant que grand amateur de Nick Diaz, j'ai encore des doutes, sauf sur sa capacité de battre un gars qui a une solide base en lutte. Puis j'aimerais bien ça qu'il affronte un gars de ce type-là. Malheureusement, Strikeforce n'ont pas vraiment de combattants avec une solide base en lutte à 170. Je pense que j'en ai pas vraiment qui me viennent en tête pour mettre devant Nick Diaz. Ouais, mais de toutes les manières, son adversaire, là, dans ce cas-ci, KJ Nunes, n'aura pas intérêt à amener le combat au sol, parce que Diaz est beaucoup trop fort pour lui au sol. Si Nunes décide d'amener le combat au sol, il risque de se mettre dans le pétrin lui-même, là. Ouais, non, pas pour ce combat-là. Je veux dire, en général, pour voir si Nick Diaz est parmi, disons, les 5 meilleurs à 170 livres, il y en a qui le placent assez haut. Puis moi, je suis prêt à dire qu'il y a quand même sa place, disons, dans le top 10. Top 5, je suis pas encore convaincu, sauf parce que c'est ça, je pense qu'il y aurait de la misère contre quelqu'un qui a une base en lutte. Je pense pas que c'est ça que KJ Nunes, il va amener au combat. Lui, il va vouloir rester debout. Le premier combat, j'ai bien aimé les mains de KJ Nunes. On a vu qu'est-ce qu'il a fait à George Gurgel. Alors, Nick Diaz, il est capable d'encaisser, mais on sait jamais, une bonne droite, une bonne gauche, puis Diaz pourrait voir des étoiles. Ouais, mais ce sera pas dans son intérêt de rester debout nécessairement, de s'entêter. Puis de toutes les manières, je pense qu'Yannick Diaz, même debout, peut échanger facilement face à KJ Nunes, juste à bouger un peu plus sa tête qu'il le fait habituellement. Mais il a tellement une belle vitesse de main, précis également, et bien décontracté, ce qui fait en sorte qu'il peut lancer un nombre de coups, je pense, beaucoup plus élevé qu'à peu près n'importe quel combattant à l'heure actuelle en MMA. Plusieurs, dont les lutteurs surtout, c'est des gars qui sont bien charpentés, mais souvent un peu crispés, et ce qui fait en sorte qu'après 5-6 coups, ils ont plus de jus, puis ils sont plus capables de frapper. Mais Nick Diaz, il peut échanger puis frapper pendant 15 minutes sans s'épuiser. Puis d'ailleurs, c'est un gars également qui fait des marathons. Je sais pas si ça a une incidence là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que Nick Diaz, C'est un gars qui est capable de lancer beaucoup de coups sans nécessairement le mettre toute la gomme à chaque fois, mais lorsqu'il est le moment là, de finir un combat, c'est un gars qui est capable de le faire. Ouais, ben je pense que là, je ne sais pas si c'est parce qu'on l'a peut-être pas assez vu avant mettre ses talents de boxe, mais d'après moi, depuis les deux dernières années, c'est sûrement l'aspect qui s'est plus amélioré chez Nick Diaz, puis sa boxe est vraiment belle à voir, comme tu mentionnes. Faut se souvenir qu'il avait mis KO Robbie Lawler quand même au UFC. Ouais. Lawler, c'est quand même un gars avec beaucoup d'une belle grande force de frappe là, puis même à l'époque au UFC. Mais depuis le Strike Force, on dirait qu'il met vraiment plus l'accent là-dessus ou peut-être c'est le style de combat qu'il a eu devant lui là. Absolument, là, tu l'as mentionné tout à l'heure, là, puis tous les noms que j'ai mentionnés dans ces 7 dernières victoires. Bon, Zaromski, c'est pas un gars qui avait intérêt à amener le combat au sol. Scott Smith non plus, d'autant plus que Scott Smith, il va chercher, je pense, un bon salaire à cause qu'il fait des échanges debout, perd ou gagne. C'est des combats spectaculaires, c'est comme ça qu'il va chercher sa paye. Frank Shamrock, bon, c'est un gars vieillissant, puis ça peut-être pas la meilleure des luttes non plus. Puis bon, en tout cas, ça s'est pas bien passé du tout pour lui. Thomas Denny, pas nécessairement un gars qui est réputé pour également son travail au sol, c'est un gars qui aime échanger debout. Alors c'est évident que là, c'était pas les lutteurs du UFC qui amènent constamment le combat au sol. C'est sûr que Nate Diaz devrait amener KJ Nunes au sol puis le soumettre, ça serait la stratégie intelligente. S'il reste debout, ça peut être intéressant. Comme tu dis, Diaz a une très belle boxe, puis dans le premier combat, j'ai bien aimé comment KJ Nunes s'était défendu, puis il a coupé Nate Diaz avec un solide coup. Je pense que c'est quand Diaz était au sol, ou peut-être c'est le coup qui l'a envoyé au sol qui avait coupé Diaz. Mais en tout cas, ça peut offrir un beau combat debout si ça va au sol, ça devrait finir assez rapidement. Nick Diaz est vraiment niveau supérieur que KJ Nunes au sol. Alors tout ça se passe le 9 octobre prochain en Californie. On vous invite à regarder ça. De quelle manière, Fred? Au Canada, c'est sur Super Channel. C'est le poste qui coûte à peu près 30$ par mois pour juste un poste. Sinon, il y a le merveilleux monde d'Internet. Ouais, bon, honnêtement, des fois, on peut passer notre tour, là. Si Strikeforce est pas capable de mettre des cartes plus intéressantes que ça, là, honnêtement, il y a autre chose, puis moi, je vous suggère également, au même moment, mais en fait, ce sera un Macao, donc bon, faut penser qu'il doit avoir à peu près une douzaine d'heures de décalage, là, mais en tous les cas, à Macao, aux mêmes heures, alors vous comprendrez que pour vous, ce sera avant ça, dans tous les cas. Mais il y aura Fereid Kader qui va également combattre vétéran japonais, puis également notre ami Anthony Rea également qui va défendre sa ceinture. Alors, ce sera pour l'événement, l'organisation Fury 2 à Macao. Alors, on souhaite des belles victoires des deux Français et également à Panama. Les Québécois, Guillaume Lamarche, ça sera plutôt le 8 octobre, là, par contre, mais Guillaume Lamarche et Pierre-Étienne Marcoux seront également en action pour affronter des gars que je connais pas du tout, là, avec des fiches plutôt ordinaires qui se sont faites soumettre à plusieurs reprises. Alors, souhaitons que Guillaume Lamarche va pouvoir en tordre un autre. Et la même chose pour Pierre-Étienne Marcoux, qui a livré quelques beaux combats ici au Québec, malheureusement a perdu la plupart du temps, là, malheureusement pour lui. Je me souviens, un beau combat contre Dimitri Wardenburn, où il avait eu à quelques occasions des possibilités de soumettre son adversaire. Je suis convaincu qu'il a travaillé là-dessus, puis on espère que ça va bien se passer pour eux au Panama. Et au même moment également, le Français va également combattre sur cette carte-là, le Français Bendy Casimir, quelques jours après son combat ici au Québec à la MFL, un combat très dur de 15 minutes contre John McDessy. Eh bien, Casimir sera déjà de retour en action. Alors, suivez tout ça sur MMAnouvelle.com et sur La Voix des Guerriers également. On va tenter de faire une émission peut-être après l'événement du Strike Force pour voir de quelle manière Nick Diaz aura remporté son combat à moins d'une surprise et faire un petit bilan de cet événement-là, Strike Force. Alors, merci beaucoup, Fred. Ouais, ben en finissant, si vous n'avez pas commencé à jouer au jeu de paris virtuel, ben c'est peut-être la semaine pour commencer. Nick Diaz, c'est une victoire assurée, Ken vous a dit. Alors, si jamais il perd, vous envoyez les emails à Ken. Yes! Alors, on attend ça. Et puis, ben, honnêtement, là, moi, le combat qui m'intéresse le plus sur cette carte-là, c'est celui de la Canadienne Sarah Kaufman. Lorsque les les messieurs puis peut-être les madames vont pouvoir miser quelques crédits sur la canadienne. Ah, bien sûr. Toutes les cotes sont déjà là pour les trois combats principaux. Il y a juste celui de Woodley et Galvao qui est pas disponible parce qu'honnêtement, j'y connais pas assez. J'aurais pas pu mettre une cote qui aurait été décente. Ça aurait été pas mal du guess. Alors, ben merci tout le monde et on se reparle très bientôt.